إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد donc nous entamons inshallah le dernier cours et qui est le troisième cours concernant la conférence du Cheikh Al-Allama Al-Mufti Abdel Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, qui s'intitule Wajib al-Shabab, qu'on traduira par Devoir de la jeunesse musulmane. Et on s'est arrêté à ce paragraphe où le Cheikh rahimahullah nous dit وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ الْعِنَايَةُ بِالدُّرُوسِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا وسؤال الأساتذة عما يشكل فيها والمذاكرة مع الزملاء في ذلك. Donc, il faut aussi pour les étudiants, les écoliers, comme je vous ai dit, c'est une conférence qui a été donnée par le Cheikh à la jeunesse, plus précisément en Arabie, et ce sont des recommandations et des conseils donnés à tous les musulmans, là où qu'ils soient. Il faut qu'ils prennent en compte les cours et les leçons qu'ils ont, et qu'ils les révisent convenablement, et qu'ils questionnent les professeurs là où ils ne comprennent pas. Et aussi de faire de la révision avec leurs camarades. حَتَّى يَكُونَ الطَّالِبُ قَدْ حَفِظَ وَقْتَهُ وَاسْتَعَدَّ لِمَا يَقُولُهُ الْأُسْتَاذُ وَيَشْرَحُ لَهُ. Jusqu'à que l'étudiant ou l'écolier puisse mémoriser, apprendre son cours et qu'il s'est préparé avant de venir en classe pour écouter le professeur et son explication. وَلَا يَجُوزُ لَهُ نَتَكَبَّرَ عَنِ الْمُذَاكَرَةِ مَعَ زَمِيلِهِ وَالسُّؤَالِ لِأُسْتَاذِهِ. Et il ne lui est pas permis d'avoir un quelconque orgueil vis-à-vis de la révision avec son camarade, ou alors qu'il ait de l'orgueil vis-à-vis du fait de questionner son professeur. كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِيَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالسُّؤَالِ عَنِ الْمُشْكِلَاتِ. De même qu'il n'est pas permis, ce n'est pas une chose convenable d'avoir de la honte du fait d'apprendre sa religion ou de questionner là où il y a problème. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. Allah le Très-Haut nous dit dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, dans le sens du verset, et Allah n'a pas honte de la vérité. Wa qalat Ummu Sulaymin al-Ansariyya radiyallahu anha, Ya Rasul Allah, inna Allah la yastahyi min al-haq, fa hal 'ala al-mar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat? Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na'am, idha hiya ra'at al-ma', muttafaqun alayh. Donc dans ce hadith qui est muttafaq alayh, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Sulaym Al-Ansariyya radiyallahu anha, qui dit: ô messager d'Allah, certes Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme se doit de faire son grand lavage du corps, ses grandes ablutions, lorsqu'elle a fait un rêve érotique? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: oui, si elle voit, en arabe il dit elle met de l'eau, ici il est voulu, si elle voit des traces de sperme, elle se doit de faire son lavage du corps. والمراد بالماء Al-Mani. Donc le cheikh nous l'explique. Et ce qui est voulu par le terme eau ici, c'est bien le sperme. Wa qala Mujahid ibn Jabr, at-tabi'i al-jalil, rahimahullah. La yata'allamu al-ilm, mustahin, wala mustakbir. Rawahu al-Bukhari fi sahihi, mu'allaqan, majzouman bihi. Et ce grand imam, parmi les tabi'in, Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, dit, deux personnes n'apprendront pas. Une personne qui a honte et une personne qui est orgueilleuse. Dans la vie, il faut avoir de la honte. C'est une bonne chose. Mais lorsque la honte t'empêche d'apprendre ta religion, t'empêche de questionner sur ta religion, là, ce n'est pas une honte qui est bonne. C'est mauvais. C'est un mauvais comportement. Là-dessus, on n'a pas à avoir honte. Et on se doit de questionner et d'apprendre sa religion. Donc, l'imam Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, nous dit, deux personnes n'apprennent pas. Quelqu'un qui est pris par la honte et l'autre qui est pris par l'orgueil. Et l'orgueil est complètement interdit. Il n'appartient qu'à celui qui le mérite, qui est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Et ce récit, il est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, mu'allaqan. C'est-à-dire que l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte des milliers de hadiths avec des chaînes de narration authentiques. Puis, parfois, en début de chapitre, il ramène des récits, soit un récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit un récit d'un compagnon, radiyallahu anhu, ou d'un tabi'i, ou d'un imam qui l'a précédé, rahimallahu al-jami'a. Et il les rapporte directement, sans chaîne de narration. Il dit, par exemple, Anas ibn Malik a dit. On sait que l'imam al-Bukhari n'a pas rencontré Anas ibn Malik. Donc il y a bien des narrateurs entre. Et parfois il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle, ça c'est les parties de Sahih al-Bukhari qu'on appelle al-mu'allaqat. Donc al-mu'allaq, mais ils sont, les ulama nous disent, sont tous authentiques parce qu'on leur a trouvé des chaînes de narration authentiques dans d'autres ouvrages de ulama al-hadith. Mais pour eux, c'est la précision qu'il est dans Sahih al-Bukhari, mais pas avec une chaîne de narration. Il est mu'allaq et il dit majzouman bihi et il l'a précisé, il l'a cité d'une manière ferme. C'est-à-dire que c'est vraiment une parole qui est authentique. Wa min al-wajib ala al-shabab wa ghayrihim. Et il est un devoir pour les jeunes et les autres. Al-amalu bil-ilm. De mettre en application leur savoir. وَذَلِكَ بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَالْحَذَرِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. Cela en appliquant les obligations et en étant en garde, en s'éloignant des interdits. لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعِلْمِ. Voilà le but même, l'objectif même du savoir. On apprend pour quelle raison? Seulement pour connaître? Non. On apprend pour mettre en pratique. وَمِنْ أَسْبَابِ رُسُوخِهِ وَثَبَاتِهِ فِي الْقُلُوبِ. Et c'est une grande cause pour que ce savoir, il reste ferme dans les cœurs. وَمِنْ أَسْبَابِ رِضَاءِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ وَتَوْفِيقِهِ لَهُ. Et c'est aussi une des causes pour gagner l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, touche le serviteur et lui donne la réussite. وَمِنَ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَتَعَلَّمْ وَلَكِنَّهُ لَا يَعْمَلْ. Et parmi les grands malheurs, les grands maux par lesquels on est touché, que beaucoup de gens sont touchés, c'est qu'ils apprennent sans mettre en application, sans pratiquer leur savoir. وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ مُصِيبَةٌ كَبِيرَةٌ وَتَشَبُّهٌ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ الْيَهُودِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ عَدَمِ عَمَلِهِمْ بِعِلْمِهِمْ. Et il n'y a aucun doute que c'est un grand malheur et c'est une façon d'aller à ressembler aux ennemis d'Allah parmi les juifs et leurs semblables parmi les mauvais savants, les mauvaises personnes qui ont le savoir et qui n'appliquent pas ce qu'Allah est en colère contre eux, à cause de la non mise en pratique de leur savoir, de leur non mise en pratique de leur savoir. يقول بعض السلف رضي الله عنهم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Certains parmi les pieux prédécesseurs رضي الله عنهم ont dit: celui qui applique ce qu'il sait, Allah lui donnera la connaissance de ce qu'il ne savait pas. ويدل على هذا قوله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Et pour preuve de cela, il y a la parole divine dans le sens du verset. Et ceux qui font preuve de guider, ceux qui sont bien guidés, Allah, il leur rajoutera dans la guidée et il leur donnera la piété. Wa qawluhu azza wa jal, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw hudan. Et la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, et Allah rajoutera à ceux qui ont été guidés de la guidée. Fa man ihtada zadahu Allahu hudan wa zadahu ilman wa tawfiqa. Donc celui qui est guidé, qui est sur le droit chemin, Allah lui rajoute dans la guidée, dans le savoir et dans la réussite. Qala ta'ala fi a'zami suratin wa hiya suratul Fatiha ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim. Allah le Très-Haut nous dit dans la plus grande des sourates, qui est la sourate, le prologue, Al-Fatiha, la première sourate du Coran, dans le sens des versets, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Wa hum ahlul ilmi wal amali min ar-rusul wa atba'ihim bi ihsan. Et ce sont les gens du savoir et de la pratique parmi les messagers et ceux qui les ont suivis convenablement. Fal mun'amu alayhim. Donc ceux qui ont été comblés de ces bienfaits, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه وتفقهوا في الدين واستقاموا عليه. Donc ce sont ceux qui sont comblés des bienfaits d'Allah, sont ceux qui ont connu Allah, qui ont mis en application son obéissance et sa législation et qui ont appris et compris la religion et qui ont été droits et fermes dedans. كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, les voilà ceux qui seront comblés des bienfaits d'Allah, ils seront avec ceux qui ont été touchés par les bienfaits d'Allah, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quelle bonne compagnie. Haoula hum al mun'amu alayhim wa hum ahlu as-sirat al-mustaqim wa hum ahlu al-'ilmi wal-'amali wa ahli al-basira. Ce sont ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah, ce sont ceux les gens de la voie droite, du chemin droit, ce sont les gens de science et de la mise en pratique, et ce sont les gens de la clairvoyance. Thumma hadhara subhanahu min al-maghdubi alayhim wad-dallin. Puis Allah nous a mis en garde contre ceux qui ont encouru la colère d'Allah et contre ceux qui sont égarés. Faqala subhanahu, et glorifié soit-il, il nous dit ghayril maghdubi alayhim wad-dallin, dans le sens du verset, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni le chemin des égarés. Fal maghdubu alayhim هم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم. Donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah تبارك وتعالى sont ceux qui n'appliquent pas ce qu'ils savent, comme les juifs et leurs semblables. والضالين هم النصارى وأشباههم من الجهلة يتعبدون على الجهالة. Et les égarés, ce sont les chrétiens et leurs semblables parmi les ignorants qui adorent sur une ignorance. فالمؤمن يسأل ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم من أهل العلم والعمل. Donc le croyant demande à son Seigneur de le guider vers le chemin de ceux qui ont été comblés de des bienfaits d'Allah parmi les gens de science et de la mise en pratique. وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. Et qu'il l'éloigne du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et du chemin des égarés. فالواجب على الشباب بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة أن يعتني بهذا الأمر ويكون في دراسته حريصا على العلم والفقه في الدين والعمل بذلك. Donc il est un devoir pour la jeunesse d'un point de vue précis et pour chaque musulman d'un point de vue général qu'il prenne en compte cette question ou ce point bien précis et qu'il cherche dans ses études à apprendre, à comprendre la religion et à la mettre en pratique. حافظا لوقته معتنيا بالمذاكرة والدراسة والسؤال عما أشكل عليه ناصحا لله ولعباده. En faisant cela, il préserve son temps par la révision et par l'étude et par le questionnement là où il ne comprend pas, là où il a des problèmes. En faisant cela, il aura conseillé pour Allah ainsi que pour ses serviteurs. يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا سو حديث خبرت فا مسلم نص نتاتيك دقى أبو هريرة رضي الله عنه المساجد دا الله صلى الله عليه وسلم أدي celui qui prend un chemin pour y chercher un savoir, Allah lui facilite par là un chemin vers le paradis. ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري مسلم nous rapporte dans leurs deux authentiques d'après Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: sept personnes, sept catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un gouverneur juste et droit, un jeune qui a grandi, qui a passé son enfance dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est rattaché aux mosquées, et deux hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se rencontrent en lui et ils se séparent en lui. Et un homme qui a été invité par une femme qui est d'un haut rang et qui est belle. Elle l'a invité pour faire l'interdit. Et il lui dit: je crains Allah. Et un homme qui a fait l'aumône avec sa main droite, de sorte que sa main gauche ne sait même pas ce que la main droite a donné. Et un homme qui s'est rappelé d'Allah tout seul, c'est-à-dire isolé, loin des gens, dans un désert, il n'y a pas d'ostentation, il se rappelle d'Allah et ses yeux se mettent à pleurer. فَالشَّابُ النَّاشِ فِي الْعِبَادَةِ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ فِي فِقْهِهِ وَعِلْمِهِ وَنُصْحِهِ لِكَوْنِهِ قَدْ تَرَبَّ عَلَى الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ وَالْخَيْرِ. Donc le jeune qui pousse, qui grandit dans l'adoration a une grande place. On attend beaucoup de lui dans sa connaissance, dans sa compréhension, dans ses conseils, parce qu'il a été éduqué depuis sa tendre enfance sur le savoir, sur le bien, la vertu, sur la mise en pratique, sur l'adoration et sur tout le bien. فيكون بذلك نافعا لنفسه نافعا لعباد الله نافعا لعباد الله من أساس شبابه حتى يلقى ربه. Et il est en cela une personne bénéfique pour sa propre personne, et il est bénéfique pour les serviteurs d'Allah depuis sa tendre enfance jusqu'à qu'il rencontre son Seigneur. ومن أهم الأمور بل أهم الأمور بعد الشهادتين. Et parmi les questions les plus importantes, et c'est même la question la plus importante après les deux formules de témoignage, les deux attestations de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est le premier pilier de l'islam, as-salawatul khams, les cinq prières obligatoires, wa al-muhafadatu alayha, et de les préserver, wa hiya imaduddin, et c'est le pilier de la religion, man hafidhaha hafidha dinah, wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Celui qui la préserve a vraiment préservé sa religion, et celui qui la délaisse, alors pour toutes les autres questions, il est encore plus loin, il délaisse encore plus. Wa wasiyyati lakum ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un wa li nafsi wa li jami'i ash-shabab wa li kulli muslim. Et ma recommandation, mon conseil, le cheikh dit au public qu'il a face à lui, pour vous qui m'écoutez, pour ma propre personne et pour tous les jeunes et pour chaque musulman, taqwa Allah fi kulli shay'in, de faire preuve de piété envers Allah tabarak wa ta'ala en toute chose. Wal inayatu biwajhin khas bis salah, et surtout de tenir compte de la prière, wal muhafadhatu 'alayha fi waqtiha, et de la préserver, de l'accomplir en son heure, fil jama'a, en groupe, fil masajid ma'al muslimin, dans les mosquées avec les musulmans. وَهَذَا مِنْ أَهَمِّ وَاجِبَاتِ الشَّبَابِ. Et ça, c'est fait partie des plus importantes choses pour la jeunesse musulmane. وَوَاجِبُ كُلِّ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا. Et c'est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane. En ce qui concerne la prière en groupe et dans la mosquée, ici, il est voulu les hommes. فَالصَّلَاةُ هِيَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ. Donc la prière, c'est le pilier de l'islam. مَنْ حَفِظَهَا حَفِظَ دِينَهُ. Celui qui la préserve a vraiment préservé sa religion. Et celui qui la délaisse, celui qui n'en tient pas compte, alors sachez qu'il ne tiendra pas compte de toutes les autres questions qui viennent après. Comme nous avons vu précédemment. Et c'est la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur le jour du jugement dernier. فَإِنْ صَحَّتْ فَقَدْ أَفْلَحْ وَنَجَحْ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ. Si sur la question de la prière il est passé, alors il aura réussi pour les autres questions. Ce sera plus simple pour les autres questions. Et si jamais il ne passe pas sur la question de la prière, alors il sera encore bien plus perdu pour les autres questions. يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Et dans ce hadith qui a rapporté par الترمذي et ابن ماجه d'après le compagnon معاذ بن جبل رضي الله عنه, et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Al-Jami', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la base même de la religion, c'est l'islam, et son pilier, c'est la prière, et son sommet culminant, c'est le combat dans le sentier d'Allah. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islam ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. Donc البخاري مسلم nous rapporte d'après Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: l'islam est bâti sur cinq piliers: l'attestation que nul n'est adoré en vérité ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, et d'accomplir le pèlerinage. Et c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث بريدة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع. Et le prophète sallam de nous dire aussi l'engagement qu'il y a entre nous et eux, entre nous musulmans et eux les polythéistes et les mécréants, c'est la salat, la prière. Celui qui la délaisse aura fait un acte de mécréance, apporté par Tirmidhi ibn Majah, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, et authentifié par l'Albani rahimahullah, dans Sahih al-Jami'. Wa yaqulu aydan, sallallahu alayhi wa sallam, bayna al-rajul wa bayna al-kufr wa al-shirk, tarku al-salah. Akhrajahu Muslim, min hadith Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma. Et l'imam Muslim n'aura pas dans son Sahih, d'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre l'homme et la mécréance et le polythéisme, il y a le délaissement de la prière. وهكذا تجب العناية بأداء الزكاة لمن عنده مال يبلغ النصاب. De même qu'il est une obligation, un devoir de s'acquitter, de donner la zakat pour celui qui a atteint le plafond, النصاب, celui qui entre dans les conditions pour donner la zakat. وهكذا تجب العناية بصوم رمضان في وقته والحفاظ على ذلك. De même qu'il est un devoir d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan en son temps et en son heure et de le préserver. وكذلك يجب حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة مرة في العمر. De même qu'il est un devoir, une obligation d'accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée pour celui qui en a la capacité une fois au moins dans la vie. ومن الواجبات العظيمة. Et parmi les grands devoirs, il y a بر الوالدين والإحسان إليهما, de respecter, d'obéir aux parents et d'être bon envers eux, وصلة الرحم, et de préserver les liens de sang, de rendre visite aux proches parents, وإكرام الضيف, et d'être bien, bon et généreux envers son hôte, envers son invité, وصدق الحديث, et d'être véridique dans ses propos, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, et de d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, wa ada'ul amana, et de respecter le dépôt, wa nushu li kulli muslim, et de conseiller chaque musulman, ma al hadar min jami' ma harram Allah, et de faire attention à ne pas tomber dans tout ce qu'Allah a interdit, mithla az-zina wa as-sariqa wa ash-sharb al-muskar وأكل الربا وسائر ما حرم الله من الغيبة وشهادة الزور والكذب وغير هذا مما حرم الله. Comme la fornication et l'adultère, le vol, de boire de l'alcool ou du vin, de prendre les intérêts et tout ce qu'Allah, bien d'autres choses qu'Allah a interdit, comme la médisance, le faux témoignage, le mensonge et bien d'autres choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك. Donc le tout musulman et toute musulmane se doit d'être en garde contre ces choses-là. ومن واجب الشباب بصفة خاصة, et parmi les devoirs de la jeunesse d'un point de vue bien plus précis, أن ينشأوا على ذلك, c'est qu'ils grandissent dans ces caractères et dans ce comportement. وأن يوطنوا أنفسهم على الخير, et qu'ils habituent leur corps, leur personne, leur nefs à faire le bien, ou an yujahiduha fi hadha al-maqam, et qu'ils combattent leur nefs, qu'ils combattent leur fort intérieur pour être dans le droit chemin, hatta yuaddu ma awjaba Allah, jusqu'à qu'ils s'acquittent de ce qu'Allah leur a ordonné, wa hatta yabta'idu amma harrama Allah alayhim, et jusqu'à qu'ils s'éloignent et qu'ils s'abstiennent de tout ce qu'Allah leur a interdit. Wa min dhalika al-hadhar من المخدرات وسائر المسكرات فإن شرها عظيم وفسادها كبير. Et parmi ces choses, hein, d'être sur ses gardes contre toutes les formes de drogue et de tout ce qui enivre et qui fait partir la raison, car il y a un grand mal là-dedans. فيجب البعد عنها والحذر من مجالسة أهلها لأن المجالسة تجر إلى أخلاق الجليس. Donc il est un devoir de s'éloigner de tout cela et d'être en garde, de s'asseoir avec les personnes qui s'adonnent à ces choses mauvaises, car de s'asseoir avec ces gens amène au mauvais comportement et au mauvais caractère et amène à ressembler à celui qu'on prend comme compagnon. فالواجب صحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. Donc il est une obligation, un devoir d'avoir une bonne compagnie et d'être en garde d'avoir une mauvaise compagnie. وهكذا العناية ببر الوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوقهما فإن حقهما عظيم. Et de même, de bien obéir et de bien respecter aux parents et d'être bon envers eux et de ne jamais leur faire aucun mal ni de leur désobéir, car le droit des parents est grandiose. ومن الأخلاق الكريمة, et parmi les nobles comportements, العناية بالزميل والإخوان وعدم التكبر عليهم, c'est d'être bon et bien avec ses camarades et avec ses frères dans la religion et de ne pas s'enfler d'orgueil vis-à-vis d'eux. والعناية بالجار والإحسان إليه, et d'être bon envers le voisin. لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بذلك, car c'est Allah سبحانه وتعالى qui nous a recommandé cela. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, de même que son messager صلى الله عليه وسلم, قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et adorez Allah et ne lui associez rien, et soyez bons envers les parents, envers les proches parents, envers les orphelins, envers les nécessiteux et les pauvres, et envers le voisin qui est proche et le voisin qui est lointain. Le verset. وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه, أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يا البخاري مسلم رحمهما الله rapport dans leurs deux authentiques d'après عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Jibril, l'ange Gabriel, n'a cessé de me recommander d'être bon envers le voisin jusqu'à que j'ai cru qu'il allait l'entrer dans les héritiers, qu'il allait me demander qu'il soit dans le partage de l'héritage. Il a réalisé ça min akhlaq al mu'minin, et bien d'autres formes de bon comportement que se doivent d'avoir les croyants. Qala sallallahu alayhi wa sallam inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, akhrajahu Ahmad fi al musnad min hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu wa lafdhuhu inna ma bu'ithtu li utammima salih al akhlaq wa sahahahu al Albani fi sahih al Jami'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes je n'étais envoyé que pour parachever les nobles comportements. ومن الأخلاق الكريمة العظيمة العناية بطاعة الله ورسوله في جميع الأوقات والمحافظة على ذلك. Et parmi les nobles et les grands comportements, c'est d'être tout le temps, en tout lieu et en tout moment, dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans l'obéissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de préserver cela. والحفاظي على الوقت, et de préserver le temps. وأن يأمر بطاعة الله وترك ما نهى عنه, et qu'il ordonne, qu'il recommande aux autres l'obéissance à Allah et de délaisser sa désobéissance. والعناية بالأخلاق الكريمة من بر الوالدين والصلة الرحيم وإيثار للمسلم وعدم الغيبة والنميمة. Et aussi qu'il recommande et ordonne des nobles comportements comme le bon comportement, d'être bon envers les parents, de préserver les liens de sang et d'être bon envers tout musulman et de s'éloigner de la médisance et de an-namima. An-namima, c'est le fait de colporter. De colporter les propos de l'un vers l'autre pour y mettre une quelconque discorde entre les gens. T'entends quelque chose, tu vois la personne, tu dis un tel, il a dit ça sur toi, il a fait ça sur toi, et puis ça fait qu'il y a de la discorde et de la zizanie entre les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle an-namima. Wal-hirs, ala hirz al-lisan, amma la yanbaghi. Et aussi de bien préserver sa langue de ce qui ne convient pas. وَلِكْثَارْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ, et de faire beaucoup de rappels d'Allah, de beaucoup formuler les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشَّرِ, et d'appeler vers le bien et de mettre en garde contre le mal. وَهَاكَذَا الْمُؤْمِنِ Voilà comment doit être le croyant. وَهَاكَذَا الشَّابِ الْمُتَعَلِّمِ يَجِبُ أَنْ يُعَوِّدَ نَفْسَهُ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ Et de même le jeune qui a étudié, qui est éduqué, il est un devoir pour lui de s'habituer, d'habituer sa personne à être doté d'un noble caractère et d'un bon comportement. ويجب أن يتعود البعد عما حرمه الله والحذر عما حرم الله. Il est un devoir pour lui qu'il prenne habitude d'être éloigné de ce qu'Allah a interdit. فإن العبد متى نشأ على شيء في الغالب يشيب عليه. Car le serviteur, en règle générale, s'il a grandi sur une chose, il y a beaucoup de chances qu'il vieillisse dessus. وَيَمُوتُ عَلَيْهِ فِي سُنَّةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ Et qu'il meure ainsi selon le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur ses serviteurs. Ça, c'est d'un point de vue général. Quelqu'un qui, depuis sa tendre enfance, s'est habitué à être dans le bien, il y a beaucoup de chances qu'il vieillira dans le bien. Et il y a beaucoup de chances qu'il mourra dans le bien, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Annahu subhanahu, idha waffaqa al-abda fi shababihi ala al-khayri wal-istiqamati, fa inna Allah subhanahu yuwaffiquhu lithabati alayhi wal-wafati alayhi. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a facilité au serviteur d'être dans le bien, d'être dans la droiture, dans sa jeunesse, Allah lui facilitera cela et d'être ferme dans cela lorsqu'il sera âgé et de rester comme cela jusqu'à qu'Allah lui donne la mort. فَلْيَحْرِصَ الْمُؤْمِنِ وَالشَّابِ الصَّالِحِ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ وَالسَّيْرِ عَلِيهِ Donc le croyant et le jeune vertueux de rester ferme sur la vérité et d'entreprendre ce chemin. ومصاحبة الأخيار الذين يعينونه على الخير et d'avoir une bonne compagnie vertueuse qui l'aidera à rester dans le bien. والحذر من صحبة الأشرار والزملاء الذين يعينونه على الشر et de s'éloigner, de prendre garde contre la mauvaise compagnie, contre les mauvais copains et les mauvais camarades qui ne seront là que pour l'aider à tomber dans le mal. Et le cheikh donc termine avec des dua pour la communauté. الفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة إنه جل وعلا جواد كريم. Dans le sens de cette dua, le cheikh dit, et je demande à Allah, par ses plus beaux noms et par ses attributs élevés, de nous faciliter, à nous ainsi qu'à vous, d'avoir le savoir bénéfique et la bonne mise en pratique, et qu'il nous prenne pour nous mettre dans le droit chemin, et qu'il nous préserve, nous ainsi que vous et ainsi que tous les musulmans, du mal qu'il y a en nous-mêmes et du mal qui découle de nos mauvaises œuvres, et qui nous facilite tous la compréhension dans sa religion et d'être ferme dessus et de prêcher sur une clairvoyance, car il est le véritable donateur et il est le généreux, subhanahu wa ta'ala. Kama as'alu subhanahu an yuwaffiqa wulata amrina ila kulli khayr وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن ييسر لهم البطانة الصالحة وأن يجعلهم هداة مهتدين. De même que le cheikh fait des dua pour l'autorité, pour les gouverneurs de l'Arabie dans un premier temps, il dit comme je demande à Allah, glorifié soit-il, qu'il facilite à ceux qui détiennent le pouvoir parmi nous vers le bien et qu'il fait d'eux une aide et un secours pour sa religion, et que par leur biais, il élève sa parole et qu'il leur facilite une bonne compagnie, c'est-à-dire un entourage convenable, des bons conseillers, et qu'il fasse d'eux des personnes guidées et qui guident. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وأن يعينهم على تنفيذ الحق والحكم به والحذر ممن يخالفه de même, وأن يصلح له وأن يصلح الله لهم البطانة وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده de même qu'il prie Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à tous les gouverneurs musulmans et qu'il leur facilite la mise en pratique de la vérité et de juger avec et d'être éloigné de tout ce qui va en contradiction de cette vérité et qu'Allah leur facilite en leur donnant un entourage vertueux et convenable et qui leur facilite la mise en pratique, l'application de la, législation d'Allah sur ses serviteurs. وَأَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ et qu'Allah réforme l'état de tous les musulmans en tout lieu. وَأَنْ يُوَلِّي عَلَيْهِمْ خِيَارَهُمْ et qu'il mette à leur tête les meilleurs d'entre eux. وَأَنْ يُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ et qu'il leur donne la compréhension dans la religion. وَأَنْ يُكْثِرَ بَيْنَهُمْ دُعَاةَ الْهُدَى et qu'il mette parmi eux beaucoup de prêcheurs qui prêchent à la guidée et à la vérité. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ car c'est lui seul qui possède toutes choses et c'est lui seul qui en a la capacité. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم بارك الله.